Nous avions laissé Rick Descartes, le Blade Runner incarné par Harrison Ford, partant sur les routes vers l'inconnu avec la réplicante Rachel, ou sur le pas de sa porte avec un origami en forme de licorne en fonction de la version que vous avez vue du chef-d'œuvre de Ridley Scott sorti en 1982 et très librement adapté du roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Si Blade Runner est certainement l'un des films les plus importants de l'histoire de la science-fiction au cinéma, sa suite Blade Runner 2049, réalisée par Denis Villeneuve, est-elle à la hauteur des attentes ? Blade Runner 2049, le réplicant court toujours, c'est le problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer tant la place du roman de Dick dans sa bibliographie et son imaginaire que l'influence de l'adaptation de Ridley Scott sur le cinéma de science-fiction, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hélène Colomb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes traductrice de la somme, que dis-je, de la Bible de Philip K. Dick, l'exégèse publiée en 2 tomes au nouveau millénaire, ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages et de lectures critiques, et même de Philip K. Dick lui-même. Vous nous en ferez la liste tout à l'heure. Nous avons également le plaisir d'accueillir Ariel Kirou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, co-réalisateur avec Yann Coquart du documentaire Les Mondes de Philip K. Dick, documentaire qui va d'ailleurs être rediffusé après-demain, dimanche soir sur Arte, juste après le Blade Runner de Ridley Scott. Vous savez quelle version est diffusée sur Arte ? Il y en a 7, donc... Non, mais je crois que c'est la Director's Cut, en fait. D'accord. Bon, comme en attendant, vous pouvez nous suivre, évidemment, comme chaque jour, sur Twitter, vous abonnant au compte @laméthodefc. Mais avant d'engager cette discussion qui s'avère passionnante d'ores et déjà sur Philip K. Dick, Blade Runner et ses androïdes et ses moutons électriques, avant de plonger dans ses rêves d'androïdes, nous l'avons vérifié à plusieurs reprises grâce à de nombreux tests de Voigtkampf. Elle n'est pas une réplicante, quoique. C'est Zoé Sfès pour le Journal des Sciences. La bibliothèque. Eh bien, ce n'est pas la bibliothèque des sciences, c'est le journal des sciences. C'est une réplique, presque, quasiment. Voilà, en tout cas, pour commencer, Zoé, ce journal des sciences revient bien sûr sur la semaine des Nobel, les 3 prix Nobel de sciences attribués lundi, mardi et mercredi, la médecine, la physique et la chimie dans l'ordre. Évidemment, donc comme chaque année, c'est la médecine qui a ouvert le bal lundi et qui a primé cette année une avancée sur le terrain de la physiologie, puisque l'Académie des Nobel a décerné le prix aux Américains Jeffrey Seahole, Michael Rosbach et Michael W. Young pour leur découverte des mécanismes moléculaires qui règlent le rythme circadien, c'est-à-dire en fait comment fonctionne notre fameuse horloge biologique interne, ce qui, jusqu'à ces travaux, restait assez mystérieux, comme l'expliquait lundi Serge Birman, il est directeur de recherche au CNRS à notre Céline Lausanne nationale. Avant ces travaux, on ne savait rien. On savait depuis très longtemps qu'il existait un rythme endogène circadien chez l'homme et chez les animaux, mais on ignorait complètement quelles en étaient les bases moléculaires. Et en fait, ils ont découvert une boucle de rétrocontrôle négative au niveau moléculaire dans les cellules, qu'on appelle les cellules de l'horloge, qui sont les cellules du cerveau qui contrôlent le rythme circadien. Ce cycle, c'est un cycle en fait de synthèse et de dégradation de ces molécules au cours de la journée qui, à la fin, font que les animaux sont actifs dans la journée et dorment la nuit. Ces auteurs ont aussi identifié tout un mécanisme moléculaire qui permet de synchroniser l'horloge moléculaire au rythme extérieur. Mardi, c'est la détection des ondes gravitationnelles qui a été récompensée par le prix Nobel de physique à travers 3 pionniers américains, Zoé. Rainer Weiss, Barry C. Barish et Kip S. Thorne ont été récompensés pour leur contribution décisive, je cite, au détecteur LIGO. Ce détecteur LIGO, c'est le détecteur américain qui a permis de détecter en 2015, pour la première fois, ces fameuses ondes gravitationnelles dont on ne cesse de parler, prédites par la théorie de la relativité d'Einstein. Depuis, je rappelle qu'on en a détecté 3 autres. Et c'est Thibaut Damour, qui lui-même s'est vu décerner la médaille d'or du CNRS pour ses travaux théoriques sur les ondes, qui expliquait à Antoine Beauchamp mardi le travail des lauréats sur ce fameux instrument LIGO. L'apport principal de Kip Thorne a été d'avoir la vision que ça allait être important pour créer une nouvelle astronomie, de détecter les ondes gravitationnelles, et ça très tôt, à la fin des années 70, Il a poussé aux États-Unis pour la création de détecteurs et il a aussi indiqué qu'il y aurait des sources intéressantes possibles comme des systèmes binaires d'étoiles à neutrons puis de trous noirs. La contribution essentielle de Ray White a été de faire une analyse du fonctionnement et des sources de bruit qui limitent la sensibilité d'un interféromètre. Et grâce à ça, il a été le premier à montrer qu'effectivement, un interféromètre allait pouvoir détecter des ondes gravitationnelles aussi faibles. Et enfin, mercredi, le prix Nobel de chimie est allé au Suisse Jacques Dubochet, à l'Américain Joachim Frank et au Britannique Richard Anderson pour avoir mis au point la cryomicroscopie électronique. Une méthode révolutionnaire d'observation des molécules biologiques qui a tout simplement révolutionné la recherche, notamment en termes de recherche sur la maladie d'Alzheimer. C'est ce que m'expliquait Rémi Froze. Il est microbiologiste, se sert de cette technique. Il est directeur de recherche au CNRS. Il est plus que justifié, il était attendu, ce prix Nobel, depuis plusieurs années. Le père fondateur de la cryomicroscopie, c'est Jacques Dubochet, donc un des lauréats, qui a inventé la méthodologie de cryomicroscopie, c'est-à-dire cette adaptation de la microscopie électronique à des objets vivants, puisqu'il a mis au point la méthodologie qui consiste à congeler donc des échantillons biologiques dans une très fine couche de glace vitreuse, qui est un état particulier de glace, et ça permet de pouvoir les regarder dans un microscope électronique en préservant ces échantillons biologiques et en conservant le pouvoir de résolution d'un microscope électronique qui est capable de voir à l'échelle atomique. En bref, une étude publiée dans la revue Nature fait remonter les origines de la vie il y a presque 4 milliards d'années. Oui, c'est une équipe japonaise de l'université Tokyo qui a affirmé avoir retrouvé au Canada, dans des roches sédimentaires du Labrador, du carbone, plus précisément du graphite, qui selon eux porte la signature isotopique du vivant. Et ce carbone, ce graphite daterait de précisément 3 milliards 95 millions d'années. À l'époque où la Terre était encore bombardée par des comètes, c'est 100 millions d'années plus tôt que ce que les dernières études affirmaient et beaucoup des équipe concurrente conteste aujourd'hui cet article. La vie en tout cas aurait démarré dans des mares d'eau chaude. Oui, des mares d'eau chaude qui auraient reçu des bouts de météorites ou de comètes et de ce mélange serait née la vie. C'est une étude canadienne qui se fonde sur des calculs astrophysiques qui renforce en tout cas cette théorie qui avait été formulée par Darwin dans les années 1870 et qui s'oppose toujours à celle qui verrait la vie naître plutôt dans les cheminées hydrothermales qui existaient à l'époque sur Terre. Et le deuxième sujet du jour, des chercheurs français et américains ont découvert d'étranges étoiles géantes dans la Voie lactée. Et cette découverte, on la doit à l'instrument spectroscopique, c'est très dur à dire, un instrument qui en tout cas détecte des choses grâce à son spectre. Cet instrument s'appelle Apogée et en fait il permet grâce à l'infrarouge moyen de voir des étoiles dans le disque de la Voie lactée qui jusqu'ici était invisible à cause de la très forte poussière interstellaire qui existe. Et parmi les centaines de milliers d'étoiles qu'on a observées grâce à lui, eh bien l'équipe française de l'UTINAM annonce qu'elle a découvert des étoiles qui présentent une composition chimique très atypique, des étoiles énormes, tellement qu'on pense qu'il s'agit peut-être de très vieilles étoiles extragalactiques qui viennent d'ailleurs et qui, au cours de leur voyage, en auraient mangé d'autres, comme l'explique Annie Robin. Elle est chercheuse à l'UTINAM et elle travaille sur ces étoiles. On s'est rendu compte qu'il y avait quelques étoiles qui avaient des compositions chimiques anormales et en particulier, elles avaient des compositions en azote, en aluminium très fortes. Donc non seulement l'azote est très fort, l'aluminium est très fort, mais le magnésium et le carbone sont, eux, très bas. Donc en fait, on a des étoiles qui ont des compositions chimiques vraiment très bizarres et qu'il faut qu'on essaye de comprendre. Alors pour ça, on a fait plusieurs choses. Déjà, on a regardé quelles étaient les orbites des étoiles grâce à un modèle sur lequel on travaille depuis assez longtemps à Besançon. Ça nous permet de voir que, par exemple, ces étoiles, elles sont actuellement dans le disque de la Voie lactée, mais en fait, dans leur passé, étaient beaucoup plus loin du plan. Donc, c'est pas vraiment une population typique du disque. Ensuite, au niveau composition chimique, on a rapproché ça de ce qu'on a vu dans des amas globulaires. Donc, un amas globulaire, c'est un ensemble d'étoiles très denses. C'est les premières étapes de formation de la Voie lactée, les amas globulaires. C'est vraiment les fossiles des premières générations d'étoiles de la Voie lactée. Ça veut dire qu'on voit dans le disque de la Voie lactée des traces d'amas globulaires qui se sont dissous au cours du temps. Et nos étoiles sont encore plus particulières que ça. Et du coup, on est en train d'essayer de comprendre au niveau évolution stellaire quel genre d'étoiles peuvent avoir enrichi le milieu interstellaire pour donner ces compositions chimiques très particulières. En bref, une équipe du CHU de Lille teste une thérapie photodynamique inédite contre le glioblastome. Ce fameux cancer aujourd'hui incurable, qui est le plus grave des cancers du cerveau dont on a régulièrement parlé ici. Après l'ablation de la tumeur, suivie d'une radiothérapie, d'une chimiothérapie, les chercheurs utilisent en ce moment une forme inédite de thérapie photodynamique qui se sert donc de la lumière, qui localise et qui détruit normalement sans dégâts collatéraux les cellules tumorales qui restent. On attend évidemment des résultats sur le long terme. Et pas de science improbable pour une fois, pour conclure, mais en revanche un programme scientifique très très chargé, Zoé, tout au long du week-end. Oui, la semaine a déjà été riche et l'amateur de science ne sait plus où donner de la tête, c'est votre cas évidemment, hein, Nicolas Martin, et c'est tant mieux. Rappelons d'abord la remise mercredi 3 octobre, donc c'était mercredi dernier, du fameux prix Goût des sciences 2017 dont nous sommes partenaires. Il est allé à Jean-Baptiste de Panafieux, prof de SVT, et pour son génial Darwin à la plage, l'évolution dans un transat paru aux éditions Duno, qui nous raconte tout simplement comment Darwin a révolutionné notre vision du monde, et à Hélène Raïcac et Damien Laverdin, qui ont reçu le prix jeune pour les mondes invisibles des animaux microscopiques, inventaire de ces animaux fantastiques qu'on ne voit pas, mais qui sont bien là. Et alors, si vous êtes plutôt film que livre, sachez que se tient depuis lundi et jusqu'à dimanche prochain le superbe Festival international du film scientifique. C'est au Muséum d'histoire naturelle à Paris et à l'Institut de physique du Globe de Paris toujours. Et si avec tout ça, vous n'êtes pas content... On est déjà content. Vous êtes déjà quand même assez content. Mais bon, peut-être que vous n'habitez pas à Paris, donc vous n'êtes pas si content, mais, et c'est là que c'est bien, c'est la fête des sciences à partir de demain et jusqu'au 15 octobre partout en France. 2500 événements avec un superbe site qui recense tous les villages scientifiques, parcours scientifiques, événements, projections qui ont certainement lieu près de chez vous. Et comme d'habitude, on va vous mettre un lien sur le fil Twitter de l'émission sur le compte @laméthodefc, ainsi qu'un lien sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci Zoé, on ne vous fera pas repasser de test de Voigtkampf. Je pense vraiment que vous êtes humaine malgré tout. All right. Stop. Enhance 5719. Stop. Enhance 15-23. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, vous aurez certainement reconnu la bande originale signée Vangelis du premier film Blade Runner de Ridley Scott, 1982, puisque nous allons plonger dans Blade Runner et dans l'esprit tourmenté de Philip K. Dick et de ces mondes dévastés, peuplés d'humains qui s'interrogent sur leurs conditions d'humains et d'androïdes qui s'interrogent tout autant sur leurs conditions d'humains qu'ils ne sont pas, à moins qu'ils ne le soient. Bref, bienvenue dans l'esprit de Philip K. Dick et dans l'univers de l'un de ces des auteurs de science-fiction qu'on peut dire certainement le des plus géniaux du XXe siècle, esprit que nous allons tenter de sonder en compagnie d'Hélène Collomb, hein, qui est donc traductrice de l'exégèse de Philip K. Dick, publiée en deux tomes au Nouveau Millénaire, ainsi que Ariel Quiraud, qui est journaliste, écrivain et co-réalisateur du documentaire Les Mondes de Philip K. Dick. Alors, on va commencer par le commencement, par le début, à l'origine de Blade Runner. Il y a donc un assez court roman qui s'intitule Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est publié en 1968. Peut-être faut-il pour commencer bien replacer ce roman dans la biographie et dans la bibliographie de Philip K. Dick. Hélène Collomb, à quel moment ça intervient dans sa carrière littéraire? Il intervient dans la décennie la plus prolifique en termes de romans, en tout cas, puisque les décennies précédentes ont été surtout marquées par une forte production de nouvelles. Mais la décennie des années 60, c'est celle qui voit apparaître Le Maître du Haut Château, Dr. Blood Money, Ubik en 69. Tous les grands jalons de sa carrière. Ouais. Sur sa biographie, on sait que Philip K. Dick a eu une vie mouvementée, qu'il n'a pas été totalement reconnu. On peut dire que son premier succès, sa première reconnaissance, c'est Le Maître du Haut Château en 62. À quel moment ça se situe dans sa biographie, diriez-vous, Les Androïdes? Où il en est dans sa vie tourmentée. Alors c'est une période qui n'est pas encore trop tourmentée. Le pire est encore à venir. Oui, c'est la décennie des années 70 qui sera très très difficile pour lui sur un plan personnel et aussi sur le plan de l'écriture, puisqu'il aura quand même un grand passage à vide. Ariel Quiraud, pour remettre un peu effectivement tout ça dans ce contexte. des éléments que vous aimeriez apporter ? Non, je pense que Hélène a bien résumé en fait le moment où se situe ce roman. Si on va dire l'un des derniers grands romans d'une époque très prolifique, en véritable roman de science-fiction. C'est ça, encore très narrative. Voilà, très narrative, très marquée par tous les items classiques de la science-fiction, la robotique, l'intelligence artificielle et toutes ces logiques. Alors, on va voir que le film Blade Runner est une adaptation très lointaine du roman. Peut-être peut-on rappeler un peu en quoi consiste ce roman, quels en sont les enjeux, quels en sont les personnages principaux, parce qu'il y a vraiment tout un monde, un univers entre ces deux objets que sont le roman et le film. Hélène Colomb, pour commencer sur le roman à proprement parler. Dans le roman à proprement parler, il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup plus de personnages que dans le film, il y a beaucoup plus d'intrigues, d'intrigues secondaires. Il y a deux personnages principaux, celui qu'on retrouve dans le film Blade Runner, qui s'appelle donc Rick Deckard, dont on soupçonne que le nom vient peut-être de Descartes. Et il y a parallèlement un personnage qui s'appelle Isidore, Jack Isidore, un doute sur le prénom. Qui est moins important quand même, mais qui est assez présent. Qui est très présent, qui est un être humain, pas un androïde, mais qui est très empathique, qui est doué de compassion envers les androïdes, ce qui n'est pas au départ le cas de Descartes. Le cas de Descartes. Et qui est présent dans le film, mais de manière très très fugace quelque part. Et sous un autre nom. Sous un autre nom, voilà. Avec, c'est le personnage qui est accompagné d'une sorte de marionnette, une sorte de je crois qu'il y a deux marionnettes, deux androïdes, mini androïdes, mais qui ont Ça, il y en a trois ou quatre qui sont incarnés par. Et il va se retrouver avec les réplicants. C'est ça. Et c'est ce personnage qui s'appelait Isidore dans le roman et qui effectivement et qui... là est plus un personnage de second voire troisième rôle. Après, il y a quand même deux autres points si on veut traiter la différence. Donc il y a un cœur qui est commun au film et au roman. Après, il y a une clé majeure du roman qui est dans son titre, les androïdes rêvent-ils des moutons électriques, qui sont les animaux artificiels, qui sont quasiment absents du premier film. Il y a juste le hibou. Il y a le chouette. La chouette, lorsqu'il va découvrir Rachel, en fait, mais c'est au départ d'ailleurs du film Blade Runner, les animaux étaient beaucoup plus présents et ils ont été enlevés au montage, en fait. Donc ils ont été enlevés lorsque... Et Ridley Scott va remettre une clé avec la licorne, dont on verra qu'effectivement c'est une passerelle qui renvoie vers le livre, puisqu'il faut préciser que dans le roman, les animaux ont disparu totalement de la surface de la Terre, que ça devient, ou quasiment totalement, que posséder un animal, ça devient une marque de richesse, de puissance, d'opulence. Exactement. Donc c'est l'une des clés du film, très très monitoire par rapport au monde des robots de compagnie. Et le deuxième point, c'est une boîte à empathie avec un personnage qui s'appelle dans la traduction française Wilbur Mercer, qui est une sorte de mise en scène de réalité virtuelle avant l'heure, mais qui est un peu toujours la même et qui effectivement rejoue le parcours du Christ lorsqu'il se fait lapider, qui monte avant de finir sur la croix. Wilbur Mercer, qui est un personnage récurrent dans l'univers de Philip K. Dick, qui apparaît dans La Petite Boîte Noire des 64, il parle de mercerisme, vous nous en reparlerez parce qu'il l'évoque dans son exégèse, Philip K. Dick. Peut-être dire un mot aussi, sur le lien, on fera le lien tout à l'heure de manière un peu plus directe avec le film, mais Scott, quand il lit le roman, il est en contact avec Philip K. Dick au moment du développement du scénario, de l'adaptation, etc. Et il dit à Philip K. Dick, le roman est beaucoup trop dense, à la page 32, il y a déjà 17 histoires, c'est assez vrai, Hélène Colomb, c'est extrêmement dense. C'est tout à fait ça, on retrouve dans ce roman tous les thèmes chers à Philip K. Dick, qu'il est particulièrement doué pour mettre en scène sous toutes les formes possibles et imaginables, mais qu'on retrouve partout, même dans ses nouvelles, et ce dès les premières nouvelles. Et ces thèmes qui sont, les thèmes qui sont chers à K. Dick ? Ce qui différencie un être humain véritable d'un faux être humain, et ce qui différencie la réalité vraie de la fausse. Moi, je dirais que c'est plutôt questionnement sur la réalité, parce qu'à aucun moment il va dire qu'est-ce qui va la différencier véritablement, sauf peut-être lorsque cette fameuse phrase qui est « la réalité est ce qui reste lorsqu'on a cessé d'y croire ». Peut-être dire aussi un mot de l'univers, parce que ce qui est très très marquant dans le film de Ridley Scott, c'est cet univers graphique, ce futur qui est censé se produire en 2019, qui dépeint et qui va marquer profondément l'imaginaire cinématographique de science-fiction dans les années suivantes, qui est à l'opposé d'univers plus lisse qu'on a l'habitude de voir jusqu'à présent, que ça vienne de Star Trek, du soap opéra, même de Star Wars, même si Star Wars est un peu plus poussiéreux déjà. On n'est pas dans cette espèce de nuée, de pluie permanente, de foule compacte, polyglotte, où personne ne se comprend. À l'inverse, dans les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques, la Terre est déserte, la Terre est complètement vide, Hélène Colomb. Elle est polluée à l'extrême, elle est recouverte d'une couche de poussière contaminée, et on ne voit plus les étoiles, ce que le personnage principal déplore à plusieurs reprises. Et la plupart des gens sont partis dans les colonies, les off-worlds, et ce qui est d'ailleurs un peu une contradiction dans le film, c'est que ce thème est présent, mais on voit quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, oui. Bien sûr. Donc on peut considérer que peut-être la population qui reste est concentrée dans un seul et même endroit, qui a été relativement épargnée par les radiations. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le roman. Et puis que les personnes dans le film qui restent sur Terre sont des personnes qui n'ont pas les moyens certainement de partir en colonie. Alors c'est toujours plus complexe parce que les colonies martiennes, c'est un thème récurrent chez Philippe K. Dick. On trouvera dans Total Recall, notamment. Voilà, on trouve dans beaucoup d'autres. Voilà, mais de façon générale, c'est pas forcément un paradis. Hein. Il y a un des romans de 1964 qui est en français Le Dieu venu du Centaure, qui met en scène la vie sur Mars. On parle de clapier et c'est pas une vie vraiment très marrante. Bon, donc voilà. Mais effectivement, là, les deux points communs clés entre le roman et le film, c'est cet univers post-apocalyptique, cette logique d'après. Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a effectivement détruit, qui est un grand classique de Philippe K. Dick. Et puis, effectivement, c'est cette question de qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que l'humain, avec au cœur même, en tout cas du premier Blade Runner, peut-être un peu moins du second, cette question de l'empathie, en fait, qui fait la différence entre l'un et l'autre. Et même le personnage ou les personnages centraux à côté de Descartes, qui sont donc les réplicants, les androïdes, ont des rôles très différents. Ceux qu'on retrouve dans le roman ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on retrouve dans le film, Hélène Colomb. Les réplicants que Descartes va chasser sur Terre sont ceux qui se sont enfuis précisément des colonies. Oui, alors ils portent à peu près les mêmes noms dans le roman et dans le film, mais ils n'ont pas du tout le même rôle, notamment le personnage qui est le personnage de Roy Batty, qui est ce répliquant extrêmement photogénique. Qui est joué par Rutger Hauer dans le film. Voilà, Rutger Hauer dans le film est pratiquement au même niveau que les autres. Ils sont 8 et ils sont ils sont considérés comme un groupe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font peur, parce qu'ils font corps. C'est un groupe d'androïdes renégats. Un mot justement sur ces androïdes que Descartes va chasser parce qu'ils se sont enfuis et qu'ils sont effectivement dangereux. C'est ce qui est très différent du paradigme que l'on trouve des androïdes qu'on va retrouver dans Blade Runner, qui sont finalement, dont certains sont assez inoffensifs. De toute façon, le mystère est quand même reste fort en fait dans le roman comme dans le film par rapport à leur dangerosité exacte. Il y a des dialogues dans le roman entre Rachel et Descartes qui sont hallucinants. D'ailleurs, à la fin, Descartes ne part pas avec Rachel, donc, contrairement au film. Bon, mais il y a l'une des versions du film. Exactement. Oui. Qui est la version qui a été voulue, le happy end qui a été voulu par les studios, parce qu'ils trouvaient ça beaucoup trop noir. Il fallait sortir. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce plan de fin sur la route, ce sont des rushs de Shining que Stanley Kubrick a prêté à Ridley Scott pour pouvoir justement changer la fin et donner cette espèce de fin. D'ailleurs, la clé du deuxième de 2049, c'est justement le fait qu'ils aient été ensemble. Bien sûr. Descartes et Rachel. Donc là, il y a ce type de différence. Mais comme toujours chez Philippe K. Dick, les personnages sont très complexes, beaucoup plus que dans le cinéma hollywoodien, avec des paradoxes. Et que ce soit Roy Batty ou Rachel, ou Descartes lui-même, je veux dire, ils incarnent les soucis, les questionnements métaphysiques de Philippe K. Dick lui-même, de façon assez folle, puisqu'il était capable de passer d'une hypothèse à l'autre à une vitesse folle, comme d'ailleurs dans l'exégèse, où l'on voit qu'il multiplie les hypothèses de possibles, et ses personnages faisaient pareil. Même les humains. Même les humains. Même les humains. Alors, Philippe K. Dick est passé en France, notamment en 77, où il a donné une conférence à Metz. Écoutez, on en a extrait un petit bout d'archives, puisqu'il parle précisément de la constitution de ces mondes et de la notion d'anticipation ou de réalisation partiellement réalisée. Écoutez. Dans mes récits et romans, je parle souvent de mondes faux, contrefaits. Certains sont de vrais mondes, aussi bien que des mondes fous et privés, souvent habités par une seule personne. Dans le même temps, les autres personnages soit demeurent dans leur propre monde tout au long de l'histoire, soit sont d'une manière ou d'une autre attirés vers l'un de ces mondes étranges. Ce thème revient tout au long des 27 ans que j'ai passé à écrire. À aucun moment, je n'ai eu d'explication théorique ou consciente quant à mes préoccupations vis-à-vis de ces pseudo-mondes multiformes. Mais maintenant, je pense que je comprends. Ce que je percevais était des réalités partiellement réalisées, tangentes à la réalité qui est à l'évidence la plus actualisée. Vous êtes libre de me croire ou pas, mais s'il vous plaît, croyez-moi, je ne plaisante pas et tout ceci est extrêmement sérieux. C'est quelque chose d'important. It resembled nothing that I had ever heard described. It resembled plasmic energy. It had colors. It moved. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que je voyais. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu ou décrit. Ça ressemblait à de l'énergie plasmique. Ça possédait des couleurs. Ça se déplaçait rapidement, se rassemblait puis se dispersait. A dark-haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false. Je n'ai aucune certitude sur ce que c'était. En d'autres termes, c'est un thème commun dans mes récits qu'une fille aux cheveux sombres se pointe à la porte du protagoniste et lui dise que son monde est délirant, que quelque chose ne colle pas. Eh bien, cela m'est finalement arrivé. Je savais même que ses cheveux seraient noirs. J'ai eu un sentiment absolu de ce à quoi elle allait ressembler, de ce qu'elle allait dire. Je ne la connaissais pas du tout, et elle m'a informé de ce fait que certaines de mes œuvres fictionnelles étaient littéralement vraies. Voilà, Philippe K. Dick en 1977 lors d'une conférence à Metz où il parle d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de la façon dont il conçoit précisément ces univers d'anticipation. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Ariel Thirault. C'est vrai qu'il faudrait la mettre dans le contexte. Hein, en 1977, il fait référence à un fameux événement qu'il aurait vécu en février-mars 1974. Et ce qu'il faut bien voir, c'est ça rejoint ce que disait Hélène tout à l'heure, c'est que sur les différentes périodes de sa vie, là, on est dans une période où il se prend lui-même pour un personnage de l'un de ses romans, quoi. Je veux dire, il est dans une phase où il, d'un point de vue clinique, beaucoup de l'extérieur pourrait avoir le sentiment qu'il entre véritablement dans la folie, dans sa propre folie qu'il mettait à distance via l'écriture. Lors de cette fameuse conférence de Metz, il va littéralement sidérer l'ensemble de l'audience qui sont des vrais fans passionnés de science-fiction française, enfin en France, pour certains d'entre eux, qui vont halluciner, qui vont découvrir un auteur qui donne le sentiment de croire à ses propres guillemets délires et à la vérité comme une sorte de devin totalement prémonitoire qu'il aurait été de ce qu'il raconte et en expliquant qu'il vivait lui-même via cette fille aux cheveux noirs et autres ces multiples réalités et ces péripéties de ses propres personnages. Cet événement de 74, c'est précisément la rencontre avec la fille aux cheveux noirs où il pense qu'il a rencontré le personnage de ce roman. Non, mais ça Hélène pourrait le raconter encore mieux que moi. Alors, c'est une sorte de flash, en plusieurs moments, devant en fait une femme qui vient lui apporter des médicaments pour son fils et qui a une sorte. Hélène Collot, allez-y. Non, mais c'est plusieurs moments en même temps en 74. Mais il a eu une vie bien remplie. En termes d'hallucination. Mais en 74, c'est comme ça aussi. C'est aussi la vision avec le disons personnage. D'abord que c'est l'aboutissement d'une période extrêmement difficile pour lui, très douloureuse, très perturbée, où il a certainement absorbé aussi beaucoup de substances. Et sa femme part avec sa fille, se retrouve tout seul. Et ce jour-là précis de 1974, il est dans un état second parce qu'il vient de subir une intervention dentaire. Il est donc sous, xylocaïne, un truc comme ça. Une envoyée de la pharmacie vient lui apporter des antalgiques. Mais c'est pour lui, c'est pas pour son fils. Et là, il a une vision. Alors, c'est pas tellement parce que c'est une fille aux cheveux noirs, même si on la retrouve dans tous ses textes, il l'a toujours attendue. On peut dire que c'est peut-être le fantôme de sa sœur jumelle, décédée peu de temps après leur naissance. Mais c'est surtout qu'elle porte autour du cou un collier en forme de poisson, en or et que ce signe lui parle. C'est la théodicée, en fait. Hein. C'est effectivement le signe des premiers chrétiens. Oui, bien sûr. Et effectivement, là où j'ai été un peu vite, c'est qu'effectivement, c'est parce qu'il va avoir cette vision qu'après, il va avoir le sentiment, mais c'est après, de pouvoir sauver son fils qui avait un souci. Mais c'est vrai que c'est ces deux événements, en fait, qui vont se suivre l'un à l'autre. Mais le déclenchement, c'est effectivement ses médicaments pour son mal dentaire. Hélène Colomb. Je pense qu'il avait aussi des prédispositions quand même. Qu'il devait rester quelques grammes de substances dans le sang. Je crois qu'il n'avait pas besoin de substances exogènes pour être délirant lui-même. Hein. Je pense qu'il avait une grosse facilité pour délirer. Oui, d'ailleurs, il a pris des amphés, surtout des amphétamines, beaucoup de médicaments, et apparemment quasiment pas de LSD. D'ailleurs, dans le documentaire, il explique qu'à l'époque, il a pu dire qu'il en avait pris parce que c'était à la mode et que ça le rendait encore plus valorisant pour les gens. Mais effectivement, il l'aurait pris une ou deux fois et apparemment, ça aurait plutôt été un bad trip. Alors, pour revenir sur cette fille aux cheveux noirs, hein, qui va d'ailleurs donner le titre à un recueil de lettres qu'il a envoyé aux différentes femmes de sa vie, qu'il appelle la fille aux cheveux noirs, pardon. Un mot pour dire que, pour revenir à notre sujet de Blade Runner, que Rachel, qui est l'incarnation dans Blade Runner de cette fille aux cheveux noirs, n'a pas du tout le même rapport dans Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques avec Descartes que l'histoire qui est structurante et qui est vraiment l'une des colonnes vertébrales du film de Ridley Scott. Dans le roman, Rachel est une ravissante androïde dont Descartes ne tombe pas vraiment amoureux, même s'il se passe quelque chose entre eux. Et d'ailleurs, je signale au futur spectateur de 2049, que dans le roman déjà, est posée la question de savoir si les êtres humains et les androïdes peuvent se reproduire, avoir en tout cas des relations qui vont au-delà de l'un doit les uns doivent éliminer les autres. On va voir qu'on parlera tout à l'heure, on verra qu'effectivement c'est le point de départ de Blade Runner 2049, de la suite signée Denis Villeneuve. Ce qui est intéressant, on va réécouter justement précisément un bout du Blade Runner de Ridley Scott autour de Rachel, parce que Rachel n'est pas seulement une réplicante, elle est une belle réplicante et elle est surtout une réplicante qui s'ignore. Vous êtes dans une salle de spectacle où a lieu un grand banquet. On sert à tous les invités un plateau d'huîtres en entrée. Puis vient un plat de chien bouilli. Voudriez-vous nous laisser un moment, Rachel ? Merci. C'est un réplicant, n'est-ce pas ? Vous m'impressionnez. Combien de questions faut-il d'habitude pour en repérer un ? Je ne comprends pas, Tyrell. Combien de questions ? 20, 30 avec les recoupements. Il en a fallu une centaine pour Rachel. Elle ne sait pas. Elle commence à avoir des soupçons, je crois. Des soupçons ? Mais comment se fait-il qu'elle ne soit pas au courant ? Le commerce est notre seul but chez Tyrell. Plus humain que l'humain est notre devise. Rachel est un sujet expérimental, rien de plus. Nous commençons à découvrir chez eux d'étranges obsessions, mais après tout, ils n'ont pas une grande expérience émotionnelle, puisqu'ils n'ont que quelques années pour assimiler des sentiments qui pour nous sont évidents. Si nous pouvons leur offrir un passé, nous créons un coussin, une base pour leurs émotions, et nous pouvons mieux les contrôler par conséquent. Une mémoire. Vous parlez d'une mémoire affective. Voilà le personnage de Rachel dans le film de Ridley Scott. Peut-être un mot sur la transformation de ce personnage et vraiment là où Ridley Scott recrée quelque chose, un univers complet, puisque Rachel, c'est vraiment celle qui fait basculer le personnage de Descartes. Ridley Scott, en fait, et surtout son scénariste, hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce que fait très bien Hollywood, c'est-à-dire qu'ils prennent dans le texte de départ des éléments clés et ils en suppriment d'autres et ils en font quelque chose d'absolument majeur, de structurant, comme une sorte de squelette par rapport à l'histoire. Donc, dans le roman, Rachel est plutôt une occasion pour Philip K. Dick de développer des dialogues un peu métaphysiques où on se pose la question, est-ce que qui est réel, qu'est-ce que l'artifice, voilà, c'est cette fonction-là. Dans le film, ça a plutôt une fonction de révélation. Bon, le point commun, c'est la question de la mémoire. Hein, même si c'est un peu moins présent dans Les androïdes rêvent-ils des moutons électriques, c'est très présent dans l'ensemble des œuvres de Philip K. Dick, cette question de la mémoire et de la manipulation de la mémoire des humains comme des extraterrestres ou des machines. Hein, c'est une question absolument majeure. D'ailleurs, qu'on retrouvera dans Substance Mort, par exemple. Substance Mort, qu'on retrouve aussi dans Total Recall. Voilà, souvenirs à vendre en français, oui, c'est souvenirs à vendre. Ouais. Et la clé est cette manipulation de la mémoire et cette mémoire qui passe dans le film par des photos. Et dans les deux films, on retrouve ça. Hein, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, après l'épisode qu'on a entendu, Rachel, elle va voir Descartes parce qu'elle commence à avoir un doute et elle montre des photos de souvenirs et en étant complètement déstabilisé. Et on va voir que cette question de mémoire est aussi très présente dans la suite de Villeneuve, que ça joue, qu'on continue, qu'il tire justement ce fil narratif conducteur. Un mot précisément justement sur ce personnage de Rachel. Dans le roman. Dans le roman, oui. Dans le roman, le personnage s'appelle autrement. Rachel Rosen s'appelle. Elle est très très différente du personnage du film. Elle est en fait un Nexus 6 comme les autres réplicants, ou Android comme on les appelle dans le roman, ou Indies même. Parce que réplicant, c'est un terme qui a été inventé pour le film. Oui. Elle n'est qu'un modèle un peu plus sophistiqué que les autres. Mais elle est consciente d'être un androïde, contrairement à celle du film. Et en fait, elle trompe le personnage, elle l'induit en erreur volontairement. Mais... Et elle ne part pas avec lui à la fin, dans le film, pas du tout. Ça finit très mal pour tout le monde. Elle est extrêmement séductrice. C'est le rôle qui lui est dévolu en tant qu'android. D'ailleurs, il y a un détail qui est très drôle, c'est qu'à la fin, elle tue en quelque sorte le mouton électrique. En fait, avant de partir, et effectivement, Descartes trouve une sorte de crapaud. Il pense qu'il y a un crapaud réel, et en fait, c'est un crapaud artificiel dans le No Man's Land. Donc, on voit bien les différences de narration. Mais en fait, c'est pire que ça. Elle fait pire que ça parce que grâce à tous les androïdes qu'il a pu éliminer, Descartes a pu enfin s'offrir un animal vivant, un vrai. C'est cette chèvre vivante que Rachel précipite du haut du toit. C'est terrible. C'est à dire qu'en fait, elle est pas empathique, puisqu'elle tue la chèvre, en fait, voilà. En conclusion. Et la différence entre les uns et les autres, on part du principe que c'est que les androïdes ne sont pas capables d'empathie, mais il y a quand même pas mal d'humains dans ce livre qui ne sont pas capables d'empathie non plus. Donc la frontière est quand même plus difficile à trouver. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Magnifique thème de Blade Runner de Ridley Scott, signé Vangelis, puisque nous parlons évidemment de Blade Runner dans l'œuvre de Philip K. Dick, du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, de l'adaptation très libre de Ridley Scott et de la suite, nous allons en parler dans quelques minutes, signé Denis Villeneuve, qui est sorti mercredi sur les écrans. Nous en parlons avec Hélène Collomb, qui est traductrice de Philip K. Dick et de l'exégèse de Philip K. Dick, publié au Nouveau Millénaire, ainsi qu'avec Ariel Kirou, qui est co-réalisateur du documentaire documentaire Les Mondes de Philippe K. Dick. On va parler maintenant, j'aimerais te parler un peu de la postérité de ce film de Ridley Scott. Philippe K. Dick va mourir quelques jours à peine avant la sortie du film, quelques semaines avant la sortie du film. Il a pourtant été vraiment, il a vraiment accompagné l'adaptation. Il l'a accompagné, il l'a vu en fait peu de temps avant sa mort et il l'a plutôt apprécié d'après ce qui nous a été raconté. Voilà. Il a vu des rushs que Scott lui a montré. Il a vu une sorte de bande-annonce à la télévision aussi. Et il a beaucoup parlé à son entourage. Il s'est montré très enthousiaste et tout. Mais en revanche, à la fin de l'exégèse, donc juste quelques pages avant la fin, puisque il est mort juste après, il est catastrophé, au contraire, parce qu'il a vu. Il dit que le message essentiel qu'il a voulu faire passer dans son roman est totalement absent du film, et il a très peur, parce que ce message est tellement important pour lui, il a très peur que ce message se perde, ne soit pas transmis. Dites-nous justement, dans l'exégèse, j'ai noté quelques passages, comment parle-t-il, comment voit-il a posteriori les androïdes, le roman ? Alors, dans l'exégèse dont nous disposons, parce qu'il s'agit d'une sélection du corpus de 9000 feuillets qu'il a laissés, qui sont des écrits nocturnes, des recherches personnelles sur le métaphysique, théologique, il parle très peu de ce roman. Mmh. Il parle essentiellement de ceux qui sont en cours d'élaboration, c'est-à-dire les quatre derniers romans de sa vie. Siva, L'invasion divine, La transmigration de Timothy Archer et Radio Libre à Lumes. Il instrumentalise beaucoup Ubik et Couler mes larmes, dit le policier, auquel il fait dire des choses qu'il avait peut-être pas eu l'intention d'y mettre à l'époque où il les a composées. Mais non, il parle assez peu des androïdes, rêvent-ils, qui pourtant contient les mêmes thèmes. Hein. Il y a un petit passage, c'est dans le volume 1, où on retrouve, vous l'évoquiez tout à l'heure, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve malgré tout, et qui est peut-être, à mon avis, assez fidèle, mais vous me direz ce que vous en pensez dans un instant, sur ce thème central dans l'œuvre de K. Dick, qui dit « Je nomme 21 ouvrages, y compris les recueils de nouvelles, dont le thème central est d'une manière ou d'une autre, faux versus réel, 22 si on compte le profanateur. Dans Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, par exemple, le thème faux versus réel opère à 5 niveaux, fausses humeur de synthèse créée électroniquement, faux animaux, machines, faux humains, androïdes, y compris faux souvenirs et fausses identités, faux sauveur, un vieil alcoolo, acteur de troisième zone, faux commissariat de police, partie d'un monde. » Hélène Colomb, qu'est-ce que ça vous inspire ? Là, on est effectivement au cœur des thèmes qui sont chers, c'est-à-dire même sur l'impossibilité de discerner le vrai du faux, l'humain du non-humain, le soi du non-soi. Bon, Philippe K. Dick disait lui-même qu'il était un philosophe écrivain, plus qu'un écrivain de science-fiction. Donc c'est ce qu'il a fait dans ses romans. Il a mis en scène et incarné dans des personnages ses préoccupations sur la nature de la réalité ou sur la réalité de la réalité ou sur la difficulté de différencier ce qui est faux et ce qui est vrai, mais ce qu'il décrit lui-même comme étant des expériences qu'il a vécues par ailleurs. Enfin. Oui, mais c'est même avant sa grande expérience à la fois traumatisante et enrichissante de 74, ce sont des questions qu'il se posait. On le voit bien déjà dans ses œuvres de jeunesse, mais à la fin des années 60, il commence à formuler la question autrement et à aller au-delà de ce que vous venez de citer, c'est-à-dire faux animaux, faux êtres humains, faux commissariats. Bon. Il s'attaque directement à la... Il passe au plan de l'abstraction. Il n'a plus besoin des personnages, des récits, des objets, des animaux qui sont vrais ou faux. Il s'attaque à la nature de la réalité et à partir de là, il n'y a plus rien d'autre qui va l'intéresser, en gros. Hein. Même s'il est obligé d'écrire pour gagner sa vie, au fond de lui, c'est une obsession. Ariel Kiou ? Oui, il y a une expression que j'aime bien, parce que, qui est celle de Baudrillard, où il expliquait qu'en fait, on doit aujourd'hui réinventer le réel comme fiction. Je pense que Philippe K. Dick est l'un des premiers qui l'a fait, parce que lorsqu'il parle de tous ces faux, à un moment donné, y compris par rapport à ce faux prophète, il émet l'hypothèse, il induit l'idée aussi que parfois le vrai peut passer par le faux pour pouvoir être compris, en fait. Hein. Donc c'est beaucoup plus complexe que de dire le faux et le vrai qui seraient totalement différenciés chez Philip K. Dick. L'un devient l'autre en permanence et l'un parfois a besoin de l'autre pour pouvoir transparaître. Le substance faux, mort à nouveau là-dessus, pareil, par ailleurs. Le faux est une manifestation du vrai. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Donc ça on pourrait effectivement longtemps effectivement développer là-dessus. Pour revenir au film, alors encore une fois, on voit bien que Ridley Scott s'empare en tout cas ou essaye de s'emparer de ce qu'on pourrait appeler une substantifique moelle de l'essence de ce que Philip K. Dick essaye de transmettre. Alors même si K. Dick, effectivement, sans avoir vu le film dans sa version définitive, en était inquiet à la fin de sa vie. Et notamment, on voit bien que ce film Blade Runner, qui est un échec retentissant en salle à sa sortie, enfin, rappelons-le, hein, ça marche extrêmement peu, ça gagne quelques dizaines de millions de dollars alors que le film a coûté beaucoup plus cher. C'est quand même un film qui est extrêmement lent, très contemplatif, qui étire sa narration de manière vraiment très, très, très calme, très lente, très posée. C'est un film avec un souci du plan exact, de la lumière parfaite, etc. Et c'est un film où bon, les personnages dialoguent, mais en fait, les interactions entre les personnages sont finalement assez ténues. Les personnages partagent des monologues plutôt. Qu'en pensez-vous, Ariel Kiro? Je crois que la question que vous induisez est intéressante, c'est celle de la vie, de ce qu'a provoqué le film par la suite. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au fond, ce film est considéré comme une prémisse d'un courant littéraire et ensuite aussi donc de films qu'on appelle le cyberpunk. Le cyberpunk, son acte de naissance, c'est un livre d'un auteur de science-fiction qui s'appelle William Gibson, qui est le romancier, qui sort en juillet 1984. Et de manière très étonnante, ce film va réellement être considéré comme un film cyberpunk, c'est-à-dire une vision de la technologie plutôt noire, tech-noire, plutôt punk, qui assume ce devenir technologique, mais avec, on va dire, une atmosphère plutôt technocritique, ou plutôt en tout cas punk, un peu sauvage, comme ça. Et anarchique. Exactement. Et cela montre quelque chose d'assez essentiel, et qu'on va retrouver dans le 2049 qui vient de sortir, c'est qu'au fond, ces films qui ne marchent pas, comme 2001 l'Odyssée de l'espace lorsqu'il sort, sont des films qui ont un imaginaire énorme et qui anticipent ou mettent en scène un imaginaire terriblement contemporain. Et ils sont peut-être peu vus, mais leur imaginaire font qu'ils durent, et comme il y a quelque chose d'anticipateur dans cet imaginaire tel qu'ils le mettent en scène, imaginaire du virtuel, imaginaire de la robotique, imaginaire de l'intelligence artificielle, et que cet imaginaire n'en finit pas de grandir, d'évoluer, eh bien, il continue à marcher, il continue à durer et à marquer les esprits de tas de gens très différents. Et c'est ça qui est, à mon sens, essentiel dans Blade Runner, dans le film. Je veux dire, et quand je dis marquer les esprits, le créateur du système d'exploitation Android de Google, qui s'appelle Andy Rubin, le 8 janvier 2016, a envoyé un tweet avec une image de Blade Runner dans lequel il souhaite bon anniversaire à Roy Batty, puisque le 8 janvier 2016, c'est la date d'activation de Roy Batty. Et qui est l'Android central, joué par Rutger Hauer. Voilà, Nexus 6. Mm. Et quand Google, d'ailleurs, décide de faire des mobiles à partir du système Android, il les appelle les Nexus. Et quelques jours plus tard, il fête aussi son anniversaire d'activation à Pris, donc l'autre réplicante. Donc ça montre bien, même s'ils ne l'ont pas dit chez Google, que ce film... La puissance de l'imaginaire, de la pénétration de l'imaginaire voilà, de Blade Runner. C'est plus de 30 ans après. En tout cas, 25 ans après. Donc ça persiste de manière très très forte. Hélène Collomb, sur cette persistance. Une autre des raisons pour lesquelles ce film a énormément marqué les imaginaires et notamment les imaginaires des réalisateurs de cinéma, c'est quand même sa beauté formelle. L'image est extrêmement soignée, les personnages sont très beaux, la lumière est extraordinaire, toujours dans des oranges qui d'ailleurs a été reprise dans cet orange qui est repris dans 2049. Qui d'ailleurs multiplie les allusions à Blade Runner. Je crois que la beauté, le soin qui a été apporté à ce Blade Runner joue un grand rôle dans la persistance, dans nos imaginations. De l'imaginaire. Un mot peut-être également pour rester là plutôt dans les thématiques. On le disait, Blade Runner est un film certainement très, très contemplatif avec des envolées métaphysiques. Est-ce que, si réécoutez cet extrait-là. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. de grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Voilà le monologue final de Roy Batty, hein, le répliquant incarné par Rutger Hauer. Est-ce que vous diriez que Scott a tout de même réussi, et c'est certainement ce qui fait la puissance du film, à capturer cette essence, ou en tout cas à mettre à l'image cette sorte de métaphysique du soi et d'être à l'autre qu'on retrouve chez les répliquants et chez évidemment Roy Batty. Du soi et de l'être à l'autre. Oui, oui, de la différence de soi, de ne pas être soi, du non-soi, d'être humain, de ne pas être humain. Dans le film de Ridley Scott, oui. Moi je trouve pas que ce soit un thème particulièrement important. Non, je voudrais juste dire que le passage qu'on vient d'entendre a été improvisé par l'acteur. Je trouve ça très intéressant. Ouais, il était vraiment dans le rôle, hein, complètement dans le rôle. Oui, Rutger Hauer, dans le documentaire qu'on a réalisé, en fait, puisqu'on l'a interviewé, il explique qu'au fond, c'est un film sur l'humain. En fait, hein, sur l'esclavage, sur l'humain, en fait, beaucoup plus que sur les robots. C'est ça qu'il traduit. C'est en ce sens-là peut-être que cette question de l'empathie est présente, mais ou de l'être à soi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins central que dans l'œuvre de Dick elle-même. Alors pour formuler ma question différemment, Hélène Colomb, est-ce que Scott a réussi à reposer la question que pose Dick tout au long de son œuvre, c'est qu'est-ce que l'être humain ? Non, je pense pas que ça ait été une de ses grandes préoccupations. Je pense qu'il voulait faire un film noir situé dans l'avenir, ce qui est parfaitement réussi. Je pense qu'il voulait faire ce qui n'avait encore jamais été fait, mettre en scène des êtres synthétiques qui sont indifférenciables au premier abord des êtres humains. Et je pense pas que la problématique de savoir si les uns sont plus humains que les autres parce que plus capables d'empathie, et je crois pas que ce thème soit vraiment très très présent. Il me semble qu'il a voulu faire un film qui mettait en scène une technologie, une atmosphère post-apocalyptique, et faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Malgré le personnage de Rachel qui ne sait pas si elle est androïde, si elle est réplicante ou humaine, malgré le doute qui laisse et qui plane en fonction des versions sur la nature même de Descartes, est-il humain, est-il un réplicant ? On n'a jamais tout à fait une réponse claire à ça. Ce thème est présent, mais il n'est pas exploré, quoi. C'est pas un thème majeur. Vous partagez cette opinion, Ariel Kirou ? Oui, je crois que la question est présente, comme le dit très justement Hélène, mais ce n'est pas la clé majeure du film. Et c'est vrai que c'est là qu'il y a une différence, et on la ressent et dans le premier Blade Runner et dans celui qui vient de sortir, avec le roman et avec les romans. Mais je crois que ça tient plus à Hollywood, plus au cinéma lui-même, que vous dire à des choix d'un réalisateur ou d'un auteur. Les choses obéissent à un ordre. Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre. 16h53, c'est pour terminer dans les 5 minutes qui nous restent. Il faut évidemment parler de ce Blade Runner 2049 signé Denis Villeneuve. Denis Villeneuve à qui on doit d'autres très bons films comme Enemy, comme Arrival, qui était déjà un film de science-fiction un peu métaphysique, comme Sicario, comme Incendie, Prisoners. Bref, simplement peut-être sans évidemment rien révéler d'éléments de scénario qui pourraient faire des spoilers, comme on dit, en tout cas des annonces inattendu ou involu, involontaire pour les auditeurs. Qu'en avez-vous pensé l'un et l'autre ? Est-ce que vous avez été séduit par ce Blade Runner 2049 ? Alors moi, à partir du moment où le premier Blade Runner est mon univers, que j'y suis tout à fait évidemment à l'aise, je me suis retrouvé chez moi dans Blade Runner 2049, qui est vraiment très très précisément inspiré du premier Blade Runner, avec des très très belles images, notamment d'Apocalypse. La première grande image où on voit la Californie totalement détruite avec des blanches, blanche, est absolument formidable. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je l'ai apprécié. Alors après, il y a des nuances par rapport à la moindre richesse, par rapport notamment au roman, mais je trouve que ce film est très très symbolique, très symptomatique de l'imaginaire contemporain. Hein, de cet imaginaire de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de cette logique de double. On y retrouve d'ailleurs, comme s'il l'avait fait exprès, le réalisateur, des éléments. La grande méchante robot, c'est Terminator. L'amoureuse virtuelle du personnage central. C'est Her, hein, c'est Spike Jones. Voilà, c'est Her de Spike Jones. Et il va même jusqu'à chercher en fait des images de Elvis Presley, de Marilyn Monroe. Ça, on peut le dire, c'est pas un spoiler. Et au fond, finalement, on voit bien que ce que voulait faire Ridley Scott et ce que a voulu faire Denis Villeneuve, c'est un vrai film pop contemporain, pop au sens de un peu crissant, un peu plus profond. Un peu plus lent peut-être, pas simplement mainstream. Il y a du mainstream, c'est Hollywood, mais il y a aussi en fait cette dimension et cet imaginaire. Il faut le voir pour comprendre l'imaginaire d'aujourd'hui. Hélène Collomb, votre opinion? J'ai trouvé que c'est un film très beau, un film d'image. Pour moi, c'est un film d'image, c'est-à-dire que l'image prime. C'est ce qu'il veut. Bah, c'est un homme d'image, donc c'est tout à fait normal. Après, je crois qu'il faut le revoir, et personnellement, j'irai le revoir pour creuser toute sa richesse, qui est probablement présente, mais qui est probablement pas qu'on peut probablement pas saisir en entier à la première. C'est un film très long, pour préciser, qui fait quasiment 2h30, et qui à l'image, c'est un chef opérateur britannique très célèbre qui s'appelle Roger Deakins, qui a fait effectivement une image incroyable, soigné, léché, magnifique. Alors, bien sûr, les thèmes dickiens sont là. Hein. C'est le seul point commun avec le roman de Dick. C'est la cohabitation forcée entre humain et synthétique. Mais là encore, le personnage qui est à mon sens, dont Ariel vient de parler, qui renvoie au film de Spike Jonze, à mon avis, cette amante virtuelle qui est la moins réelle de toutes les créatures est celle aussi qui témoigne le plus d'empathie. Oui, pour le coup, c'est un paradoxe très dickien. Je pense qu'il y a des éléments ici et là de Philip K. Dick, peut-être plus nombreux que dans le premier Blade Runner. Le personnage central s'appelle K. C'est un réplicant, hein. C'est le personnage joué par Ryan Gosling, qui est un réplicant Nexus 8 de la nouvelle génération. Exactement. Donc, il y a ce point-là. Alors, l'autre point aussi, alors, moi, j'ai un peu regretté que ce soit pas un mouton, mais il y a un chien, il y a des abeilles, il y a une légère présence des animaux artificiels. Tout le long du film. Donc voilà, donc il y a quand même des petits indices, mais c'est vrai qu'en grand amateur de Dick, j'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais il y en a et je pense que c'est réellement voulu. Il y a beaucoup de petits clins d'œil très courts, et tout à l'heure Hélène me disait quelque chose que j'ai pas vu qui pourrait me donner envie de le voir, c'est que je crois qu'elle a vu le poisson, c'est ça, le fameux symbole du poisson qui est tellement important pour Philip K. Dick dans l'exégèse, auquel il revient sans arrêt parce qu'il l'a marqué à vie, est présent effectivement en très grand et en 3 exemplaires juxtaposés. À vous de le trouver dans 2049. Ah si, je crois que je vois où c'est. On ne dira rien, on va laisser les auditeurs trouver eux-mêmes en allant voir cette suite de Blade Runner 2049 qui est en cinéma depuis mercredi, signé Denis Villeneuve avec Harrison Ford, Ryan Gosling entre autres. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus évoquer cet héritage, ce roman de Philip K. Dick et plus généralement l'impact de Blade Runner sur l'imaginaire de science-fiction. Merci beaucoup Ariel Kirou, je rappelle que Les Mondes de Philip K. Dick, votre documentaire co-réalisé avec Yann Coccard, sera rediffusé dimanche soir sur Arte à 22h45 après le premier Blade Runner de Ridley Scott. Merci beaucoup Hélène Collomb. Outre cette exégèse de Philip K. Dick en 2 imposants tomes qui est publié au Nouveau Millénaire, vous avez également d'autres actualités de traduction, notamment un texte inédit de Philip K. Dick. Voilà, il restait un roman de Dick à traduire. Je l'ai traduit, il s'appelle « Aux nations sans pudeur ». Il a été écrit par Dick lorsqu'il avait 22 ans. Et je précise qu'on y trouve déjà des grands, grands thèmes qui ont été exploités par la suite. Et c'est également aux éditions Nouveau Millénaire. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Villefranc, Evétienne, Hugo Bartholomé, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Frédéric à la technique, Elisabeth Gornescotto au droit d'auteur. Dans quelques instants, le magazine de la rédaction « Quel avenir pour les communautés chrétiennes et yézidis en Irak » par Marie-Pierre Véro. Pour ce qui nous concerne, un œil à ce que nous avons concocté dans le laboratoire de La Méthode Scientifique pour la semaine prochaine. Lundi, nous parlerons de l'outillage de l'homme au paléolithique, mardi de l'électron, mercredi de l'obsolescence programmée, jeudi des diverses façons de consigner la mémoire et le savoir. Vendredi, table ronde, actualité des sciences et de la recherche. On se retrouve donc lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.